Bien, merci beaucoup. Merci de votre conclusion, parce que je pense qu'elle fait une excellente liaison avec ce que je me proposais de vous dire, et en commençant d'abord par vous remercier, enfin Mathilde, à travers vous, de m'avoir conviée à cet échange qui, je le dis de manière liminaire, reflète bien l'intérêt que l'on essaye de porter à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, à travailler, à réfléchir avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement nos partenaires naturels, pour essayer de renforcer notre vision stratégique des politiques de ressources humaines dans la fonction publique, leur donner une dimension prospective et s'appuyer pour cela sur les travaux, des travaux de recherche, notamment dans le domaine du travail. Précisément, ça n'est pas évident pour nous. Enfin, je dirais nous, je répondrai si vous le souhaitez aux questions organisationnelles que vous pourriez vous poser, mais d'aborder cette question, parce qu'en réalité, la question du travail en tant que tel ne s'inscrit pas naturellement dans notre univers professionnel tel qu'on l'aborde quotidiennement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle des agents publics, qui sont en réalité très divers, hein, 5 millions et quelques, et demi et quelques d'agents publics dans les trois versants de la fonction publique, sur des missions qui vont de missions de conception. Vous avez parlé d'élite administrative, j'aime pas trop ce terme, parce qu'on essaye justement de pas se vivre comme tel, et puis surtout qu'on peut accéder à des fonctions de responsabilité après des parcours qui ne nous destinaient pas nécessairement naturellement à aller aussi vite, aussi haut, et donc de fonctions de conception à des fonctions d'exécution, de métiers extrêmement divers, puisque même, ne parlons pas de la différence entre eux, mais parlons-en quand même un peu, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, fonction publique de l'État, ce ne sont pas les mêmes mondes. C'est toi, Henri, ou vous qui avez évoqué tout à l'heure la question de l'unité de la fonction publique et de sa diversité. L'unité se fait autour de quelques grands principes qui fondent notre système de fonction publique, et la diversité, elle s'organise précisément autour du fait qu'on a trois grandes catégories de fonction publique, avec des acteurs qui s'organisent de manière très différente selon qu'on est à l'État, à la territoriale ou à l'hospitalière. Et Françoise Desconcreniers ne me démentira certainement pas sur ce sujet, notamment avec le principe de libre administration des collectivités locales, qui fait qu'on ne travaille pas, on ne fonctionne pas de la même manière, on ne pilote pas de la même manière les agents publics territoriaux et les agents publics de l'État, par exemple, mais aussi avec la très grande diversité des métiers qui sont derrière. Et donc, nous, notre rôle à la DGAFP, qui est une petite équipe, une administration d'état-major de 180 personnes, donc on est tout petit, mais avec un taux de matière grise qui est élevé. Et puis surtout, on ne travaille pas tout seul. C'est surtout ça. On travaille avec tous les ministères. Et voilà. Et notre rôle, c'est de concevoir ou de proposer aux ministres les politiques de la fonction publique et d'en assurer ensuite la déclinaison avec un travail très collectif avec l'ensemble des ministères qui composent notamment la fonction publique de l'État. Donc c'est pas naturel de parler de travail chez nous, dans ce monde, parce qu'on a plutôt tendance à parler de mission des agents publics que de tâches, que de fonctions. Et donc, la mission, ça a un côté un peu désincarné qui est à la fois très valorisant pour les agents publics, parce qu'ils n'ont pas qu'un travail, ils ont une mission. Et pour eux, c'est très important. Et quand on parle, j'y reviendrai peut-être, de bien-être au travail, le fait de rappeler le sens de la mission, l'intérêt général, etc., c'est quand même fondamentalement un facteur d'intérêt et d'attractivité pour eux. Et donc, du fait, on parle de mission, c'est un peu désincarné, alors que la réalité, c'est des choses très concrètes. Alors, travail, ça peut être, c'est vrai, souvent des fonctions de gestion, de conception, de production de textes, mais c'est aussi des choses très concrètes comme le fait d'être précisément aide-soignante ou infirmière à l'hôpital ou jardinier ou cuisinier ou voilà, la très grande diversité des métiers qui sont derrière. Voilà, donc au départ, je dirais qu'on peut louper un peu le coche et oublier de s'intéresser aux questions du travail. Parce que justement, on est dans ces approches-là. Et pourtant, ce que je veux vous dire, c'est que la question du travail devient de plus en plus un sujet central pour nous, et du bien-être au travail et de la santé des agents au travail. Parce que, pour des raisons à la fois très concrètes, et je crois que vous en avez un peu parlé, je vais y revenir rapidement, d'évolution démographique des agents publics, de la société, mais aussi des agents publics, et d'attractivité, qui sont les deux grands leviers qui expliquent pourquoi on commence à s'interroger de plus en plus, enfin on commence, ça fait quelques années quand même, j'y reviendrai, mais de plus en plus à ces questions-là. Alors, l'évolution démographique, elle est flagrante, sauf qu'on n'en parle, à mon avis, pas suffisamment. C'est que, par exemple, là, je travaille en ce moment avec les ministères sur la mise en place d'une politique de gestion prévisionnelle des administrateurs de l'État, qui sont l'encadrement supérieur de l'État. On a regardé comment la tête du corps, si je puis dire. Et c'est la moyenne d'âge, c'est 54 ou 5 ans. Donc on est voilà, s'agissant des attachés d'administration de l'État, qui sont le corps du dessous, si je puis dire, qui est un peu la structure même du fonctionnement de l'administration de l'État. Un tiers des membres du corps des attachés d'administration de l'État, ils sont 30 000 à peu près. 10 000 d'entre eux seront partis à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc clairement, il y a un sujet démographique. Ça veut dire qu'on a une fonction publique qui vieillit. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut, un, se préoccuper de son renouvellement, mais ce n'est pas l'objet de l'échange aujourd'hui, et deux, se préoccuper de l'impact que ça peut avoir, ce vieillissement, sur la santé au travail, tout bêtement. Et c'est des choses très concrètes, vraiment. C'est-à-dire que quand on a travaillé l'année dernière, alors justement, ça s'aggrave, enfin, disons que l'allongement de la durée du travail et le report de 2 ans de l'âge de départ à la retraite ne fait que conforter cette préoccupation-là. Et quand on a travaillé, un exemple de ce qu'on fait à la DGFP, c'est qu'on a bâti la partie fonction publique de la réforme des retraites l'année dernière. On a regardé un peu comment les choses se passer. On a essayé de mesurer l'impact de cet allongement sur la carrière des agents, les conséquences que ça peut avoir. On pourra en reparler d'ailleurs si vous le souhaitez. Et quand on a regardé un peu comment ça se passait dans la fonction publique hospitalière, on s'est rendu compte, et moi ce chiffre m'a vraiment frappé, que 40% des aides-soignantes qui arrivent à l'âge de départ en retraite, à l'âge d'ouverture des droits, comme on dit, sont déjà en congé de maladie ou en congé de longue maladie. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est préoccupant. Alors on a dit, ben, c'est pas grave, on va créer un fonds d'usure dans la fonction publique hospitalière, on fait la même chose dans la fonction publique territoriale. Oui, enfin, c'est pas ça. Enfin, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment les prendre en charge et puis surtout savoir faire en sorte que dans les prochaines années, on anticipe ce genre de situation en disant, mais ça veut dire quoi, le vieillissement sur des fonctions qui usent tellement qu'on ne peut plus travailler. Et donc ça, pour le coup, c'est cette prise de conscience-là, elle est désormais réelle. Donc ça, c'est on s'en occupe parce qu'il y a une réalité de la situation des agents qui est celle que j'ai rapidement décrite. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'on pense que c'est un enjeu d'attractivité pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que la santé au travail, c'est derrière ça. Il y a la notion de bien-être au travail, et il y a la question de savoir comment on fait pour montrer que l'État employeur public essaie d'être sinon exemplaire, du moins de progresser sur ces questions-là, et qu'il doit s'occuper de la santé de ses agents. Quand je dis l'État, c'est les autres aussi, bien sûr, et les autres employeurs. C'est notre rôle. Et ça, c'est pas quelque chose qui était C'était même voilà, c'est pas quelque chose qui était dans dans nos préoccupations jusqu'à présent. Voilà, donc c'est un peu dans cette perspective-là que les choses peuvent s'inscrire. Et c'est vrai, vous avez parlé à plusieurs reprises du Covid, les uns et les autres, que le Covid a été un puissant accélérateur de la prise de conscience de ça, parce que ben, on s'est retrouvé tout d'un coup avec la nécessité de s'occuper de gens malades. Et ça, ben, c'était pas nécessairement à cette hauteur-là une chose dont on avait l'habitude. Et puis, deuxième raison pour laquelle le Covid a accéléré les choses, c'est à la fois on s'est dit bah, il faut qu'on protège nos agents, il faut qu'on protège nos soignants, et puis il faut qu'on voit comment on peut travailler autrement, d'où l'émergence du télétravail qui aussi là était un peu au centre des enjeux dont beaucoup ont parlé déjà avant moi et que je ne reprendrai pas. Donc comment tout ça se traduit dans nos politiques publiques? Parce que c'est un peu, bon, une fois qu'on a dit ces choses-là, on regarde ce qu'on fait. Et de ce point de vue-là, moi je voudrais vous citer quelques exemples de mesures, d'actions, de chantiers qu'on a mis en œuvre qui essaient de répondre à ces problématiques, du moins d'y contribuer et de travailler sur ces sujets-là. Alors le premier, c'est le plan santé au travail, parce que c'est intéressant de voir qu'il a été élaboré autour de 2020-2021, donc à une période en effet où on commençait à prendre conscience de tout ça, mais avant il a commencé à travailler avant l'explosion du Covid, et c'est très révélateur de dire ben, on fait un plan pour la santé au travail des agents publics. Qui a été très fortement concerté avec les organisations syndicales. J'en profite pour préciser qu'évidemment, c'est des sujets de préoccupation majeure pour les organisations syndicales à juste titre. Et que pour nous, on pourra y revenir là aussi si vous le souhaitez, c'est une forme d'application intéressante du déploiement de la négociation collective dans la fonction publique. J'ai eu l'occasion, enfin le bonheur même, de travailler sur une ordonnance favorisant la négociation collective dans la fonction publique peu de temps après mon arrivée, qui a été publiée en février 21, et par laquelle on a essayé de donner au dialogue social une évolution importante, significative, en faisant des acteurs, des représentants des personnels, des vrais acteurs de la conduite de nos politiques publiques, travaillant sur des relations à la fois de confiance et de co-construction, même si je sais que certains de mes collègues n'aiment pas cette expression, pour aboutir à des accords majoritaires signés avec les organisations syndicales. Et donc la négociation collective, elle associe de manière beaucoup plus proche les agents et les représentants des personnels, et vous verrez dans un instant qu'elle s'est appliquée de manière très significative à la santé au travail. En attendant, le plan santé au travail, c'est plutôt une concertation qui a été conduite, qui a été achevée autour de 2021, je crois, de mémoire, et qui est composée d'un certain nombre d'actions dont je vous donne les principales d'entre elles. Donc, développer le dialogue social et piloter la santé au travail, bon, ça c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est un objet de dialogue social intéressant. Notamment avec la CFDT, bien sûr, qui porte beaucoup ce sujet, mais pas que. C'est comment on fait pour développer la prévention et la culture de la prévention dans la fonction publique. Comment on fait pour favoriser la qualité de vie et des conditions de travail. J'y reviendrai. Et comment on prévient la désinsertion professionnelle, et j'y reviendrai aussi. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on a essayé de réfléchir à la construction de ce plan qu'on est en train de décliner en un certain nombre d'actions concrètes sur lesquelles on travaille régulièrement avec les ministères et les organisations syndicales. Donc ce plan santé au travail, pour moi, il est un peu à l'articulation de « on va vers des préoccupations différentes ». Il illustre assez bien le fait qu'on essaye de passer de mieux protéger les agents à promouvoir des politiques de bien-être au travail. Comment on fait pour passer de protéger à promouvoir ? Protéger, c'est prendre en compte mieux et s'occuper mieux des agents malades. Tout bêtement. Ça, c'est notre deuxième négociation sur la protection sociale complémentaire des agents publics que l'on a conduite d'abord sous l'autorité d'Amélie de Montchalin, puis maintenant de Stanislas Guérini, à partir de 2021, et qui comporte deux volets, le volet santé et le volet prévoyance. Je vais vous en dire un mot quand même, parce que ça en est un peu au cœur du sujet. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que contrairement au secteur privé, où en général les employeurs prennent en charge une partie, financent une partie des complémentaires des agents, enfin de leurs salariés, à l'État, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand vous êtes agent public, vous payez l'intégralité de votre mutuelle, et vous êtes un peu laissé tout seul dans un paysage et un maquis où vous avez en plus des mutuelles référencées qui interviennent depuis historiquement très très longtemps, qui sont très impliquées, imbriquées dans la vie des ministères. Je ne citerai pas, mais vous voyez à peu près ce que ça peut être. Et qui vous vendent le truc clé en main, qui vous disent que de toute façon, vous avez un contrat qui ne permet pas de distinguer la complémentaire des actes de soins et la prévoyance si vous êtes longuement malade et la compensation de votre partiel, de votre rémunération. Et puis vous payez ça et vous n'avez pas trop le choix, même si vous l'avez juridiquement. Voilà comment ça marche à l'État depuis, enfin jusqu'en 2021, jusqu'à ce qu'on ait mis en œuvre cette réforme. Bon, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit il faut quand même que l'État il soit au moins aussi correct que le secteur privé vis-à-vis de ses agents, et donc on va financer 50% de la couverture de la complémentaire santé des agents publics. C'est vraiment une évolution assez structurante qui s'est faite dans le cadre d'une négociation avec les organisations syndicales. C'est là que c'est intéressant. C'est que, comme pour le PST, mais on est allé un cran plus loin, on a fait une négociation qui a débouché sur un accord collectif, non seulement majoritaire, mais à l'unanimité des organisations syndicales. Et on a dit on ne mettra pas en œuvre cet accord, enfin, les orientations qui sont dans cet accord, si on n'est pas majoritaire, s'il n'y a pas une majorité d'organisations syndicales pour le signer. C'est un bel exemple de la façon dont on a articulé la négociation collective avec ces questions de santé au travail. Et donc l'accord a été signé non seulement à la majorité, mais à l'unanimité. Et du coup, l'État s'engage, alors ça ne concerne que l'État, la territoriale, l'hospitalière fonctionnent sur des calendriers différents, et sur des priorités différentes, mais on met en œuvre cet accord désormais qui est quand même qui coûte de l'ordre de un peu plus d'1 milliard d'euros par an à l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a défini avec les organisations syndicales et on s'est fait aider d'un actuaire le panier de soins interministériel minimum qui nous paraissait de bon niveau. Et dans un bon rapport qualité-prix, si je puis dire, parce qu'il y avait aussi des enjeux d'équilibre financier. C'est pour ça qu'on s'est fait aider d'un actuaire. Et on arrive à un panier de soins interministériel qui est au minimum ce qu'il y a dans l'accord et qui est bien mieux, disons, que ce qui existait précédemment à travers les propositions des mutuelles référencées a été estimé à de l'ordre de 60 euros par mois. L'État prend en charge la moitié. Alors pour l'instant, c'est 15 euros, et puis dans la montée en charge progressive, parce que ça débouche sur l'ouverture par les ministères de marchés publics. Certaines ont été mieux-disantes, on pouvait être mieux-disant en discutant localement avec les organisations syndicales. Et là, on en est au lancement des marchés publics pour répondre aux appels d'offres dans ce cadre-là. C'est une belle réforme et je suis contente d'avoir l'occasion de vous en parler parce qu'on en parle peu. Et je trouve ça vraiment dommage quand on se plaint de l'absence d'un manque d'attractivité de la fonction publique. C'est souvent dû aussi au fait qu'on ne sait pas dire ce qu'on fait. Et voilà, bon, c'est une occasion modeste mais réelle de pouvoir vous en parler. Puis alors, il y a une deuxième dimension qui a été portée donc cette année, enfin en 2023, et qui porte, elle, sur la prévoyance. La prévoyance, c'est le fait de, lorsqu'un agent est en congé de longue maladie, donc lorsqu'il est vraiment très malade, et de longue durée, enfin quand il est malade au-delà de 3 mois, parce qu'on a un système qui fait que quand on est malade en deçà de 3 mois, on est en congédie de maladie ordinaire. C'est structurellement un peu différent du privé. Donc congé de maladie ordinaire qui est pris en charge à 100% par l'employeur, donc il n'y a pas d'impact sur la rémunération. Et quand ça se prolonge au bout de 3 mois, on bascule dans le régime du congé de longue maladie ou du congé de longue durée. Et là, il y a un système dégressif qui fait qu'on ne prend pas en compte les primes et qu'ensuite, il n'y a qu'une partie de la rémunération qui est prise en compte. Donc, le premier objectif qu'on a poursuivi à travers cette négociation sur la prévoyance, c'est d'améliorer le taux de prise en charge par l'État de ces agents malades longtemps, en se disant on va protéger les plus fragiles. Alors, la discussion avec les organisations syndicales a un temps porté sur, mais ça serait bien que si on est sur un congé de maladie ordinaire, vous nous couvriez plus longtemps que 3 mois. On a refusé de le faire en disant que l'objectif c'était la longue maladie et que si on est malade plus de 3 mois, ben, on bascule dans la longue maladie et on n'est pas là pour traiter les. Il nous semblait que le congé de maladie ordinaire était suffisamment bien couvert. C'est ça la négociation aussi, hein. C'est pas d'aller nécessairement sur tous les sujets que les organisations syndicales veulent ouvrir. Et donc en revanche, sur la longue maladie et la longue durée, on a amélioré le taux de couverture, la première, la deuxième et la troisième année, ça dure 3 ans. Après, on bascule dans un autre régime qui peut aboutir à ce qu'on appelle l'invalidité. Et l'invalidité, c'est un système qui ne fonctionne pas aujourd'hui, enfin, qui fonctionne très mal, qui en fait revient à mettre les agents de manière automatique à la retraite. Je simplifie un peu, mais c'est quand même ça dont il s'agit. Or, quand on est reconnu en invalidité à 2 ans de la retraite, ça va. Enfin, ça va encore que non, ça va pas, mais bon. C'est quand même le cas du plus grand nombre, mais quand on ne l'est pas, et surtout, c'est définitif, et c'est pas, c'est rédhibitoire. Donc, le principal intérêt, à nos yeux, mais même celui des organisations syndicales de cet accord, c'est d'ouvrir vers une réforme profonde du régime de l'invalidité qui permettra une meilleure prise en charge, qui permettra de prendre en compte de l'invalidité partielle, qui permettra de rétroagir, enfin d'avoir un système de retour en arrière, de possibilité de revenir au travail, parce qu'en réalité, et je pense qu'on est un peu au cœur du sujet là, que j'ai essayé de partager avec les organisations syndicales, c'est que la prévoyance, c'est aussi le fait de favoriser le retour à l'emploi. Et de faire. Aujourd'hui, enfin, il y a dans cet accord, il est public, hein, vous pouvez y accéder, il y a dans cet accord un volet qui s'appelle favoriser le retour à l'emploi. Et qui, je trouve, est aussi important que le fait d'améliorer la couverture rémunération des agents. C'est de dire que, enfin, on s'en aperçoit au quotidien, un agent malade longtemps, il est complètement éloigné de son univers professionnel et plus il est longtemps éloigné, plus on a du mal à le faire revenir. Et moi, je m'en suis aperçue, enfin, je vous donne une anecdote qui m'avait beaucoup frappée. Je connaissais une très bonne assistante dans une vie professionnelle antérieure que j'ai retrouvée à la DGAFP et qui avait été en congé de longue maladie pour dépression, parce que c'est souvent ça. De toute façon, les longues maladies, elles sont listées dans notre régime juridique et il y a notamment celle-là. Enfin, ce qu'on appelle cela, on l'appelle, c'est horrible, on appelle ça la maladie mentale. C'est des textes qui datent des années 50 qu'on va réformer. Bref, c'est souvent quand même ça parce que sinon, on se rend compte que dans l'évolution de la santé en France, fait qu'on a de moins en moins de maladies mortelles et de plus en plus de maladies chroniques. Et donc, aussi, on a voulu adapter notre régime de protection à cette situation, à cette évolution de la pathologie dans la société, qui est celle des agents publics, mais celle de toute la société aussi. Et avec une montée en puissance des enjeux d'équilibre, enfin de difficultés psychologiques des agents qu'on conçoit bien. Et donc cette excellente Valérie a été éloignée longtemps, elle a eu une dépression et elle est partie pendant plusieurs mois. Je crois un an et demi. Et puis, c'était pas mon assistante. Et puis, il se trouve qu'à un moment, elle est revenue, donc, et puis à un moment, je me retrouve sans personne pour quelques jours, pour faire mon secrétariat. Et je vais la voir et je lui dis, écoutez, Valérie, ce serait bien si on se connaît plus longtemps, est-ce que vous voulez bien quelques jours hein, seulement faire mon secrétariat? Elle a refusé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, bon, quelques mois après, la situation se présente à nouveau et elle me dit, bon, ben d'accord. Je dis, mais écoutez, je vous assure, il n'y a pas de problème, on se connaît, etc. Elle a fait une semaine. Et à la fin de la semaine, je lui dis, ben, c'est très bien, enfin, il n'y avait pas de... Et là, elle a fondu en larmes et elle m'a dit, j'étais pas sûre de pouvoir... je pensais que j'y arriverais pas et j'en étais plus capable. Donc, le retour au travail des personnes qui en ont été éloignées longtemps, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie fragilité en plus. C'est le fait de se dire comment mes collègues vont me regarder, comment ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je culpabilise parce que je n'ai pas été là. Et ça, vraiment, parce que derrière, il y a toute l'histoire de l'absentéisme, etc. Hein. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est préoccupant. Donc, on a mis en place, enfin, j'ai proposé des mesures aux organisations syndicales là-dessus, qui consistent, par exemple, à obliger l'employeur à prendre contact avec l'agent avant qu'il revienne, pour faire un point avec lui, à organiser son retour en lui proposant, le cas échéant, un peu plus de télétravail au début, pour faire un retour progressif, à faire un point avec lui pour lui dire est-ce que tu as besoin d'une formation, est-ce que tu as besoin d'une remise à niveau avant de revenir, et à montrer, à assurer la prise en charge comme ça de la personne un peu fragilisée qui revient de manière un peu plus humaine que ce qu'on ne sait pas faire du tout aujourd'hui. Sur la protection sociale complémentaire, et là, notamment la prévoyance, ce que je voulais vous dire. Et puis, je terminerai, parce que je vois que ça y est, le temps a couru. Je disais de protéger à promouvoir. On bascule sur des choses plus positives. Mais qui sont, je crois, là, des vrais facteurs d'attractivité pour les nouvelles générations, qui sont comment on fait pour faire en sorte que le travail soit un facteur de bien-être, enfin, qu'il y ait du bien-être au travail et pas que de la souffrance. Pas que de la souffrance. Alors, c'est tout le travail qu'on a fait sur le harcèlement, les signalements, la souffrance au travail, etc., etc. Bon, on a fait beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, il faut qu'on soit un peu plus positif aussi. Les deux doivent aller ensemble. Et donc, le bien-être au travail, ben, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail. C'est tout ce qui est dit en ce moment sur la semaine en 4 jours. Je ne suis pas sûre que la semaine en 4 jours soit un facteur d'épanouissement et de santé au travail. Je suis même plutôt un peu préoccupée par ce sujet-là. Et donc, on va essayer, puisque le Premier ministre nous l'a demandé, d'expérimenter dans les ministères. On est plus sur la semaine. Nous, on aimerait mieux la semaine de 4 jours et demi. Et surtout, il faut en mesurer les conséquences en termes d'horaire de travail sur les jours où on est là. Quoi. C'est bon. Il y a des tas de sujets qui se posent, articulation avec le télétravail, le fait que si on cumule semaine en 4 jours et télétravail, on n'est plus jamais là. Et ça, c'est quand même un tout petit peu problématique. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit alternatif, peut-être. Mais enfin, là, ce que je vous dis là, c'est off. Hein. Je sais que vous m'enregistrez, mais tant pis. Dans l'expérimentation, on a les réflexions sur le temps de travail et on a les réflexions aussi sur le collectif de travail et notamment l'engagement d'un plan managérial pour l'État que je ne vais pas développer là, mais auquel je serai prête évidemment à répondre ou en tout cas de donner des éclairages si vous le souhaitez. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion. De vous dire un peu ce qu'on fait dans ce domaine-là et l'intérêt qu'on porte à ces sujets.